Leçon 22. 22e leçon. Vive le sport. Première partie. Paul en a assez. J'en ai par-dessus la tête. Personne ne s'occupe de moi ici. Et je m'ennuie à mourir. Mon père et ma mère sont allés voir un film. Dont tout le monde parle. Ils ne m'ont même pas invité à aller le voir avec eux. En fait, ils sont partis sans me le dire. Personne ne me dit jamais rien. Valérie, elle, me parle de la pluie et du beau temps. Et d'une personne à laquelle elle pense sans arrêt. Vous avez deviné que la personne dont elle me parle c'est Georges Louvier. Oh, ce garçon, je ne peux pas le supporter.